فالمخرج من الفتن كما قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner une issue favorable. Et la meilleure des issues favorables dans ce genre de situation-là, c'est de quitter cette ère-là dans laquelle al-muslim se sent mal. Dans laquelle al-muslim, il ne peut pas pratiquer sa religion, et en est totalement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de quitter les terres dans lesquelles al-muslim ne peut pas appliquer sa religion. Car sa religion, c'est daruriyat amri. Donc il faut qu'il fasse tous les asbab pour préserver sa religion. Il faut savoir que la hijra, ça fait partie des hukuk al-tawhid. Et d'avoir un laxisme dans ce genre de choses-là, ça revient à dévaloriser un peu al-tawhid. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes évoqué que al-hijra, c'est min hukuk al-tawhid, comme a dit subhanahu wa ta'ala, إذ قال لقومه إن برأوا منكم ومما تعملون إن برأوا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Cette ayah là, c'est la ayah qui montre vraiment la valeur du wala et du al-bara, l'alliance pour Allah subhanahu wa ta'ala et les deux aveux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette ayah là, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas que Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il était face à son qom, il a dit Inna bara'u minkum, on se désavoue de vous. Wa hatta qala subhanahu wa ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, hanifa, wa lam yakum min al-mushrikin. Ils ont dit à l'ulama par rapport à cette ayah-là, wa lam yakum min al-mushrikin, ay lam yakum yujalisuhum, wa lam yakum yu'akiluhum, wa lam yakum yusharibuhum. Il ne s'asseyait pas avec eux, il ne fréquentait pas ces personnes-là, il s'est désavoué. فالدين الملة التي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعها سملة إبراهيم كما قال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. الله عز وجل أخذنا صم خفت صلى الله عليه وسلم وكذلك سا كومينيتي كي سويف لملة لدين بإبراهيم كي كوا سو جور دو آيالا دون لكال إلى لو ديزافو تام دو شرك وكذلك دو سو كي براتيك لو شرك والإسلام كما عرف العلماء قالوا الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام c'est le fait de se soumettre à الله سبحانه وتعالى par التوحيد, de se soumettre à lui par l'obéissance et de se désavouer du shirk et كذلك de ceux qui pratiquent le shirk, c'est-à-dire lorsqu'on se désavoue d'eux, c'est s'écarter d'eux. تمام. والأحاديث في الهجرة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهري المشركين. Je m'innocente de toute personne qui vit avec المشركين. Celui qui a la possibilité de partir, il doit partir. Parce que ça fait partie من حقوق التوحيد. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المهاجر c'est qui? C'est celui qui délaisse les choses dont Allah سبحانه وتعالى il a interdit. لا شك ولا ريب فيه ولا يخفى على أحد منا les munkarat qui se trouvent en France. Sabbullah subhanahu wa ta'ala alaniya. Ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ils se moquent du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ils mettent de dourou jusqu'à ce que le musulman se sent sous pression et délaissé. Ma'alim al-islam, ils délaissent la barbe, ils délaissent le kamis, certains délaissent. Peut-être qu'ils sont amenés à découvrir leur visage et à découvrir une partie de leur corps et tout ça. Yani pour qu'il passe un peu mieux aux yeux de ces mécréants-là. On ne parle pas aussi qu'à l'écart de l'homosexualité, qu'à l'écart des clubs échangistes. Yani al-malaka al-nati toujad fi hada al-balad. Fal muslim, comme a dit le Nabi sallam, al-muhajir man hajara man naha Allahu an. On doit s'écarter des choses dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Et parmi cela, les balades dans lesquelles taksur fi al-ma'asi, dans lesquelles al-ma'asi, ils sont énormes. Et ma'ruf, lorsque tu vois كثير من ال من ال شو اسمه العصيان ton cœur a force يعني s'y habitue. تمام. Ça devient plus une chose qui est عظيم عندك. تمام. Moi je me rappelle une fois qu'on était à Damas, quelqu'un qui passait avec une cigarette, c'est comme si je me l'avais fait du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que t'étais que avec des tulab. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui fait une ma'asiya, même si jamais c'est pas من الكبائر, لكن tu la vois عظيمة جدا. Pourquoi? لأن قل فيه المعاصي. أما si jamais tu vis dans un pays où les ma'asi sont كثيرة, Tu vas ankar la première fois, tu vas ankar la deuxième fois, ensuite ça va être une habitude. Peut-être après, yani, tu auras juste une carte dans le qalb,

il demande cela. Donc on va poursuivre inchallah par rapport à notre cours. قال المؤلف رحمه الله تعالى on avait pris الفاعل. نعم. On a vu dans le cours dernier مرفوعات الأسماء. On a vu que المؤلف رحمه الله تعالى il avait évoqué que مرفوعات الأسماء ils sont au nombre de 7. والصحيح c'est qu'ils sont au nombre de 9. On avait rajouté pour cela خبر لا نافية للجنس وكذلك نعم أسماء أحرف ليس qui sont in ولا تا ولا وما. On a pu voir que كذلك ce sont des مرفوعات من الأسماء que le مؤلف il n'a pas évoqué. Donc les مرفوعات ils sont au nombre de 9 et non pas au nombre de 7. Il avait évoqué parmi al-marfu'at, il a débuté par quoi? Al-fa'il. On avait vu qu'à Zalika, al-fa'il, il avait évoqué une définition qui était, qu'il fallait rectifier. Wa qala, rahimahullah ta'a, huwa al-ismu al-marfu' al-mathkur qablahu fi'luhu. Et nous on avait dit, al-fa'il, c'est l'ismu al-marfu' al-mathkur qablahu fi'lun tamun ma'lumun wa haqiqi. C'est la véritable définition du fa'il. C'est un ism qui est marfou' dont il est évoqué avant lui un fi'l qui est tam. On a pu voir que ça exclut les fi'ls qui sont quoi naqis, ce qui rend dans le mubtada dans la jumla qui est ismiya asluha mubtada wa khabar. Tam Allahu alimun kana Allahu aliman fa kana huna. C'est quoi? C'est un fi'l naqis. Pourquoi? Li'annahu dakhala ala al-mubtada wa al-khabar. Tam lorsqu'on parle du fa'il, tam mathalan lafz al-jalala Allah subhanahu wa ta'ala shama tu fi al-i'rab. Tu dis pas kana fi'l madhi mabni 'ala sukun wa lafz al-jalala Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis pas fa'il, tu dis ismu kana. Tam ismu kana, c'est pas un fa'il. Pourquoi? Li'an al-fi'l alladhi dakhala fihi, c'est un fi'l qui est naqis, qui est pas tam. Naam, kadhalika on a dit que le fi'l c'est quoi? Il faut qu'il soit ma'loum. C'est-à-dire que il est pas mabni lil majhoul comme on va le voir aujourd'hui. Tam mathalan si tu dis kutibat risala, fa risalatun huna, il est marfou', lakin c'est pas le fa'il. On appelle ça na'ib fa'il. Et le fa'il là on ignore, tam. Kataba Risala, c'est pas Risala qui a fait l'action de Kataba. Là, il y a une personne qui a écrit cette Risala-là dont on ignore. Donc il faut qu'il soit ma'loum. Ma'na ma'loum, c'est-à-dire que c'est le fi'l avec lequel il a été évoqué le fa'il. Kataba Muhammadun Risalatan. Fa Muhammadun Huna, c'est le fa'il de Kataba. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait l'action d'écrire la lettre. Donc celui qui fait l'action d'écrire, de faire une chose, on l'appelle quoi? Fa'il. Et Kazalika Haqiqi, on avait dit ça exclut tous les genres de fa'il, plutôt de na'am, de fi'l, qui peuvent remplacer le fi'l, qui ont la même action que le fi'l, lakin qui ne sont pas des af'al, comme c'est le cas, inshallah, vous allez le voir, avec le ism fa'il, le masdar, ou la sifa mushabbaha, masalan, tu dis, ja ad-daribu zaydan, il est venu celui qui a frappé zayd, zayd huna, il a subi l'action, ja ad-daribu zayd, fa daribu huna, c'est un ism fa'il qui a la même action que le fa'il, qui a la même action plutôt que le fi'l, parce que lorsqu'on dit ja daribu zayd est celui qui a frappé zayd, donc là c'est le fi'l, yani ma'na zalika ja ad-daribu huwa, ja ad-daribu huwa, fal-damir ki mustatir huna, c'est lui l'espèce de fa'il, lakin on va pas l'appeler fa'il, on va l'appeler marfou' du ism fa'il. Pourquoi? Parce que celui qui est avant lui c'est pas un fi'l. Même si jamais il y a un amal al-fi'l, c'est pas un fi'l. C'est mimbab que vous comprenez, c'est un peu la définition. Et qu'on a, mimbab qu'on a rectifié la définition. Si vous l'avez pas encore compris, plutôt les asma qui peuvent avoir le amal du fi'l, ça, inshallah, ça va venir après. Lakin, c'est juste pour que vous sachiez que la définition qu'il a évoquée, le mu'allif, rahimahou ta'ala, elle est pas complète. Et la complète, c'est celle qu'on a évoquée. Ensuite, il avait évoqué, rahimahou ta'ala, qui sont à la qismay. On avait dit, as-sarih, c'est que dit, on dit, ala thalatha taqsam. C'est soit les sarih, le ism, plutôt le fa'il, soit les sarih, ka muhammadun, kitabun, ila akhirihi. Soit il est mudmar, damaer, anta, anti, hiya, ila akhirihi. Ou soit il est mu'awwal, c'est-à-dire que, il y a an, wa ma dakhala, wa an, et le fi'l mudari'. Mathalan, comme on a pu voir, yahsunu an tajtahida. يحسنوا أن تجتهد في أن تجتهد هنا شون في الإعراب وجاء أن مصدرية وحرف مستقبل حرف مصدر واستقبال ونصب تام وسكوة تجتهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ensuite tu diras أن وما دخل عليها في تأويل المصدرين في محل الرف فاعل. C'est comme si on avait dit quoi؟ جاء يحسن اجتهادك. تام يحسن اجتهادك. Parce que أن et le fi'l mudari' qui va suivre, ils vont être interprétés comme étant quoi؟ Un masdar. C'est quoi le masdar de اجتهاد؟ C'est اجتهاد. تام. Et vu que celui qui est dont on parle, تام c'est أنت يحسن أن تجتهد أي أن تجتهد أنت. فكذلك faut qu'on retrouve dans cette notion-là du damir qu'on a retrouvé dans le fi'l, qu'on le met kazalika dans le masdar. Donc on dira naham yahsunu ijtihaduka. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir. Et kazalika, elle avait évoqué que al-damair, ils sont au nombre de 13, on a pu voir plutôt de 12, et en vérité, ils sont au nombre de 13. Il a oublié d'évoquer le musanna pour le féminin. Masalan qalata, qalata, il n'a pas évoqué. Il a dit qala pour le duel. Et kazalika, si jamais ces deux femmes qui parlent, tu dis pas qala, tu dis qalata, tam, kama qala subhanahu wa ta'ala, qalata atayna ta'i'in, lorsqu'il parle du sama ou l'ard. Donc kazalika, son nombre de 13. Ensuite, ad-damair, on a pu voir la faïda, c'est que ad-damair, il y a un qasimoun, il a qismain. Soit il est muttasil, soit il est munfasil. Le muttasil, comme darabtu, darabna ila khirihi. Ou le muttasil, la boudan yakuna barizan. Il peut être que apparent. Tam. Ensuite, al-damair, t'as-damair qui sont quoi? Munfasila. Ou le munfasila, تنقسم إلى قسمين ظاهرة ومستتر ظاهرة مثل ما قام إلا أنا ما قام إلا أنا فأنا هنا صدمر كمنفصل كفاعل إلى ظاهر والمستتر مثل نعم محمد جاء محمد جاء فجاء هنا سلفين إلى فاعل سكوا هو سبع محمد بس محمد سكوا سمبتدا كم زال يقول الخبر. Ça peut être un ism mufrad ou ça peut être kazalika une jumla qui est quoi? Fi'liya ou bien ismiya. Et là, c'est une jumla qui est quoi? Fi'liya. Dia, huwa. Tu disais, مثلاً, dia Muhammadun, c'est comme si on disait, yani, plutôt, yani, Muhammadun dia, c'est comme si jamais tu avais dit, Muhammadun dia, huwa. Lakin huwa, là, on l'évoque pas, comme on a pu le voir, c'est mieux. Donc là, il est quoi? Il est, c'est un damar qui est munfasil et qui est mustatir. Ensuite, on a pu voir que les damars qui sont mustatira, t'en qasimu la qismain. T'en as l'istitar qui est zahir, plutôt qui est naham ala al-wujub, et t'as l'istitar qui est quoi? Qui est musta naham qui est jawazan. Il y en a parmi les pronoms, ad-damer, dont tu ne pourras jamais faire apparaître. On avait quoi? Il y avait trois. Ana, anta, wa nahnu. Ceux-là, ils apparaissent pas. Ils apparaissent pas. Maintenant, tu dis, atlub al-ilm, ay atlub al-ilm, ana. Tu dis pas atlub ana al-ilm. Ça se dit pas. Atlub ana al-ilm. T'atlubu al-ilm. أي تطلب أنت العلم نطلب العلم أي نطلب نحن العلم فهنا نحن أنت وأنا إذا بغس با وجوبا نسكن في العرب وجوبا إذا بغس با يانا كي peuvent apparaître et qui sont هو وهي lorsque tu dis مثلا ضربت ضربت هي tu peux dire ضربت هي هند ضربت هي أو هند سقطت هي سقطت أي هي tu peux le faire apparaître comme tu ne peux le pas le faire apparaître. Tam. Kazalika avec huwa. Tam. Jaa Muhammadun. Ou plutôt Muhammadun jaa. Ay Muhammadun jaa huwa. Tam. Kazalika huwa. Tu peux le faire apparaître comme tu peux ne pas le faire apparaître. Donc ça c'était la khulasa par rapport au cours qu'on a pu voir la semaine dernière. Donc on poursuit inshallah. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala babu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Donc après avoir pris le fa'il, il va nous évoquer bitartib alladhi yali على الفاعل كي المفعول الذي لم يسمى فاعله c'est-à-dire le مرفوع يعني dont le فاعل n'est pas évoqué et on peut appeler كذلك cette chose-là المفعول الذي لم يسمى فاعله نائب الفاعل celui qui a remplacé le فاعل et c'est l'appellation qui est la plus courante أما المفعول الذي لم يسمى فاعله ça c'est un peu long c'est un peu du tatouil donc يعني pour faire court on dit quoi نائب الفاعل celui qui a remplacé Al-fa'il, on va voir, inshallah, qu'est-ce que c'est, ce genre de choses-là. Pourquoi ils l'ont appelé Al-bab, il y a plutôt Al-na'ib fa'il, maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Parce que là-bas, ce na'ib fa'il, c'est quoi? C'est un maf'ul bihi. Pour ça qu'il a dit Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Le maf'ul dont le fa'il n'a pas été évoqué. Parce qu'à la base, le na'ib al-fa'il, c'est quoi? C'est un maf'ul bihi. On prend un exemple, mathalan, de Kataba Muhammadun risalatan. Fa kataba, c'est le fi'il. Muhammadun c'est le fa'il wa risalatan c'est quoi c'est le maf'ul bihi si jamais je le mets mughayyir as-sigha ce qu'ils appellent al-mabni lil-majhul, c'est-à-dire le fi'l qui est construit sous l'état dont on ne connaît pas le fi'l, celui qui a fait l'action, ça donnerait kutibat risalatun. Tam fa kutibat al-an, c'est un fi'l madi. Wa risalatun huna, c'est le na'ib fa'il. Tam, c'est le na'ib fa'il. Tam, ils l'ont appelé kadhalika al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Parce qu'il était maf'ul. Tam, comme on a pu voir, kataba Muhammadun risalatan. Et là, dans kutibat risalatun, on voit les marfou' et les na'ib fa'il. Lakin ayna al-fa'il, il est où celui qui a fait l'action d'écrire? Il n'est pas évoqué. Lam yusamma fa'iluhu. Kutibat risalatun, ay al-maf'ul huna, c'est quoi? Risalatan, risalatun. Wa lam yusamma fa'iluhu. Tam, celui qui a fait l'action n'a pas été évoqué. Kutibat risalatun. Est-ce qu'on sait qui a écrit cette lettre-là? On la connaît pas. Lakin, on sait que une lettre a été écrite. Tam, donc ça, c'est ce qu'on appelle al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ou bien, al-na'ib fa'il. De l'appellation qui est la plus connue. Donc, yani, par rapport à ce que l'exemple qu'on a évoqué, le na'ib fa'il, ou bien le maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, il n'est pas, pas évoqué avec le fi'l qui est quoi? Qui est ma'loum. Celui dont le fa'il est évoqué. Lakin, il est avec le fi'l qu'on appelle mughayyir as-sira. Mughayyir as-sira, c'est-à-dire qu'il a été évoqué d'une manière dont on ne connaît pas qui a fait l'action. Et certains disent quoi? Al-mabni lil-majhul. Celui qui a été établi de manière à ce qu'on ne connaît pas qui a fait l'action. Certains ont dit, il ne faut pas qu'on dise Al-Mabni lil-Majhul. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, مثلاً, في كتابه الكريم, خلق الإنسان ضعيفا. الإنسان il a été créé ضعيف, يعني faible. فالآن الإنسان c'est نائب فاعل. C'est le مفعول الذي لم يسمى فاعله. Ils disent là, Al-Fa'il c'est qui a créé l'insan? Le chakola arriba fi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a une personne qui ignore que c'est Allah azzawajal qui a créé al-insan da'ifa? Personne n'ignore cela. Donc ils ont dit, si jamais on dit al-mabni al-majhul, ma'na zalika dans cette ayah-là, on ne connaît pas, on ignore que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé qui? Al-insan da'ifa. Donc certains, ils ont dit, c'est mieux de dire quoi? Mughayyir as-sira. Et c'est le mieux. Le mieux, c'est d'éviter d'employer des termes dans lesquels il peut avoir, comment ça s'appelle, des critiques. Ce genre de adab là, il est venu dans la sunna. C'est un hadith qui dit, dans lequel il dit, Iyaka wa ma yu'tadara min. Prends garde à dire ou à faire des choses dans lesquelles tu vas être amené à t'excuser. Ma'na dhalika, lorsque tu t'exprimes d'une manière qui est claire, sans ambiguïté, afin que tu n'aies pas à revenir et t'excuser au fait, non, j'ai pas voulu dire cela, ceci et cela. Le insan, lorsqu'il s'exprime, il fait attention à ce qui sort de sa bouche. وكما يقول الإمام الألباني عليه رحمة الله قال عقل المؤمن قبل كلامه. Le مؤمن, sa raison vient avant la parole, c'est-à-dire il réfléchit et ensuite il parle. Et il dit رحمه الله تعالى شيخ الألباني وعقل المنافق بعد كلامه. Il parle et ensuite il réfléchit à ce qu'il a dit. Enfin, le مؤمن, il fait attention lorsqu'il parle à ce que يعني la chose sur laquelle il va parler soit exempt de toute critique. Donc كذلك هنا, c'est mieux de dire quoi? مغير Asira, celui dont la sira, sa forme, elle a été changée. Parce qu'à la base, c'est quoi? Kataba. Tam? Kataba. Et lorsqu'il est mourra, il sira, on dit quoi? Kutiba. Tam? C'est-à-dire le kef, il a pris quoi? Une dhamma. Et avant le ba, il y a eu quoi? Une kasra. À la base, c'était les trois avaient une fatha. Kataba. Mourra, il sira, kutiba. Tam? Donc ça, on appelle quoi? Le fi'l qui est quoi? Mourra, il sira. Dont la sira, la forme, elle a été changée. Et le fa'il, il n'est pas évoqué. Kutibat risalatun. Faqala rahimahullah ta'ala, qala babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Qala wa huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yuthkar ma'ahu fa'iluhu. Il nous dit, le maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, ou bien si jamais tu veux, tu dis na'ib fa'il, et c'est mieux, car c'est plus court. Il a dit, c'est le ism qui est marfu'. Donc pareil, ça peut être un ism sarih, comme ça peut être kadhalika. En damir, tamam? Comme ça peut être kadhalika, en damir. Al-marfu' da'iman. Son hukm, c'est quoi? C'est qu'il est marfu'. Alladhi lam yuthkar ma'ahu fa'iluhu. Donc, le fa'il n'a pas été évoqué. Comme on a pu évoquer dans l'exemple, kutibat risalatun. Huna risalatun, c'est un ism, sarih. Il est marfu', la dhamma fi akhirihi. Alladhi lam yuthkar ma'ahu fa'iluhu. Est-ce qu'on connaît, lorsqu'on dit kutibat risalatun, qui est le fa'il? Qui a fait l'action? On ne la connaît pas. Donc, on appelle ça quoi? Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, ou bien le mieux c'est de dire comme ils ont dit na'ibun al-fa'il, celui qui remplace le fa'il, parce qu'il a pris sa place. Il a pris sa place. Il était maf'ul bihi awalan, kataba Muhammadun risalatan plutôt. On l'a enlevé Muhammadun, on a changé la forme du verbe, ça fait quoi? Kutibat risalatun. Donc il a pris la place du quoi? Du fa'il. Et il est venu directement après qui? Après le fi'il. Et ce, le ism qui vient après le fi'il, ma'rouf, c'est quoi? C'est le fa'il. Donc là, c'est celui. Pourquoi on appelle na'ib fa'il? Parce qu'il a pris la place. Il est venu à l'emplacement du fa'il. Mais ce n'est pas un fa'il. C'est un remplaçant. Qala rahimahullah ta'ala. Qala fa'in kana al-fi'il ma'adiyan dhumma awwaluhu wa kusira maqabala akhirihi. Donc là, il nous évoque que le maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, il est évoqué avec quoi? Le fi'il qui est quoi? Mughayyir as-sigha. C'est pour ça qu'il dit fa in kana al-fi'l madiyan, le fi'il qui est mughayyir as-sigha, si jamais il est au madi, qu'est-ce que tu fais pour le changer, pour changer sa forme? Tu mets dhamma fi awwalihi et tu mets kasra avant la fin. Tam kama qala huna. Tam fa in kana al-fi'l madiyan, c'est-à-dire le fi'il qui est évoqué pour le na'ib fa'il, il faut qu'il soit quoi? Mughayyir as-sigha. Comment tu changes sa forme? Tu mets dhamma fi awwalihi et tu mets kasra qabla akhirihi. Une dhamma, yani la première des lettres et la lettre qui est avant la fin, tu mets une kasra. Comme on a pu le voir, مثلاً, kutiba kitabun. Un livre a été écrit. Kutiba kitabun. Fait le kaf, on a, il est quoi? Avec une dhamma, c'est la première des lettres. Et ensuite, la lettre qui est avant la fin, tu mets quoi? Tu lui mets une kasra. Kazalika avec d'autres sortes de verbes. مثلاً, le verbe qu'a la wazn iftahala. Tu dis quoi? Uftu'ila. Celui qui a la wazn infa'ala. Tu diras unfu'ila. Celui qui a la wazn istaf'ala. Tu diras ustuf'ila. Ma qabala akhirihi al-fatha. Ustuf'ila. Et le premier c'est quoi avec un dhamma? Kazalika yani mathalan fa'ala. Tu diras fu'ila. Tafa'ala. Tufu'ila. Tafa'ala mathalan. Tufu'ila. Il y a quoi? Qu'est-ce qui reste encore? Fa'ala. Fu'ila. Et les autres sortes de awzan qu'on évoque dans le mardi. Donc comment on fait pour ghayyar, pour qu'on change la forme de ce verbe-là? On met une dhamma fi awwalihi et on met une kasra qabla akhirihi, comme j'ai pu vous l'évoquer, avec les sortes de awzan dans cela. Qala rahimahullah ta'ala, fa in kana mudari'an, qala dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Et si jamais le fi'l qui est mughayyir as-sigha, c'est un fi'l qui est comme mudari', et ben qu'est-ce qu'on fait? La même chose. On met une dhamma fi awwalihi, lakin on met une fatha qabla akhirihi. Dans le madi, c'est une kasra qabla akhirihi, et dans le mudari', c'est une kasra, c'est plutôt une fatha qui sera qabla akhirihi. Mathalan yaf'alu. Tu diras quoi? Yuf'alu. Mathalan yatlubu Muhammadun al-ilm. Yatlub Muhammadun al-ilm. Ça c'est mabni lil-ma'loum. On sait qui est en train d'étudier la science. C'est Muhammadun. On veut le ghayyir, on veut changer sa sirah, on dira quoi? Yutlabu al-ilm. Yutlabu al-ilm. La science a été étudiée. Qui est la personne qui l'a étudiée? La na'rifuhu. C'est pour ça qu'on appelle ça mughayyir sirah. Et on va voir les asbab, pourquoi on le ghayyir de sa sirah. On va voir les asbab, inshallah, à la fin. Donc là, ce sera quoi? À la base, c'est yatlubu, donc après, ce sera quoi? Yutlabu. Yuftahu ma qabla. Plutôt, yudammu awwaluhu, wa yuftahu ma qabla akhiri. Kazalika avec les autres sortes de verbes. Tamam, mathalan, tafa'ala. Tamam, tu diras, tafa'ala, yatafa'alu, yutafa'alu. Tamam, istaf'ala, yastaf'ilu, yustaf'alu. Kazalika barakallahu fikum, tafa'ala, yatafa'alu, yutafa'alu, yutafa'alu. Il reste quoi encore? Fa'ala, yufa'ilu, yufa'alu. Naham, on avait dit fa'ala, tam, fa'ala, yufa'ilu, yufa'alu. Tam, qu'est-ce qui reste encore? Naham, infa'ala, tam, infa'ala, yanfa'ilu, yunfa'alu. Ifta'ala, yafta'ilu, yufta'alu. Donc, comme on a pu le voir, dans tous ces verbes-là qui sont mughayyir as-sigha, dans le mudari', yudam awwaluhu, on met dhamma sur la première lettre. Et on met une fatha qabla akhirihi. On va évoquer l'asbab allati biha ghayyara al-fi'l yani siratuhu. Pourquoi on a changé sa sira? Les asbab yani pour que le fi'l soit mughayyir sira, ils sont de plusieurs sortes. Un, parce que مثلاً, on sait qui a fait cette chose là, li'ilmihi, parce qu'il est connu. مثلاً قالوا سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا. Allah subhanahu wa ta'ala, ici il ne s'est pas évoqué. Pourquoi? Parce qu'on sait c'est qui le Khaliq. Enfin, on sait c'est qui le Khaliq. On sait c'est qui a fait l'action. Donc là, on n'a pas besoin de l'évoquer. Pourquoi? Parce que l'annahu ma'loum. Il est tellement connu qu'on peut se passer de l'évoquer. Tam. Kazalika, min al asbab, c'est le jahal. Parce que tu ne sais pas, mathalan. Tam. Mathalan, comme on a pu voir, kutibat risalatun. Tam, mathalan, quelqu'un te dit, man katabaha, tu dis, innama kutibat risalatun. Tu ne sais pas qui a fait cette action-là, mais tu sais que cette lettre-là, elle a été écrite. Qui est la personne qui a écrit? On ne le connaît pas. Donc on dira quoi, mathalan, kutibat risalatun, si on ne connaît pas le fa'il. Tam. Ou bien, mathalan, il khouf. Tam, il a peur de représailles de cette personne-là. Tam, duriba muhammadun. Tam, il ne veut pas dire que c'est Fulan qui a tapé Mohammed, il dit Duriba Mohammedun, parce qu'il a peur de représailles. Il y a parmi les asbab qu'ils ont évoqués, ils sont nombreux, et ça c'est les quoi? Il y a les ashar al-asbab, c'est les asbab qui sont les plus connus. Donc pour ces asbab là, on change, on modifie la forme du fi'l qui est mardi ou bien mandara. Donc le mughayyir sira, il ne rentre pas dans quoi? Il ne rentre pas dans le fi'l qui est quoi? Dans le fi'l qui est le fi'l amr. Amma le fi'l amr, tu ordonnes une personne qui est en face de toi. If'al kada. Ifal kada, ifal ou kada. La personne est en face de toi. Il n'y a pas besoin de. Là, tu n'y pas, parce qu'elle est en face de toi. Donc, le mughayyir sira, il rentre dans quoi? Dans le fi'l al-mudari' ou le fi'l al-madi, comme on a pu le voir. Qala rahimahullah ta'ala. Qala wa huwa ala qismain. Ay, al-na'ib al-fa'il. Al-na'ib al-fa'il. Huwa huna, il remplace al-na'ib fa'il. Al-na'ib fa'il ala qismain. Qala wa huwa ala qismain. Zahirin wa mutmarin. فالظاهر c'est l'ism sarih tam نحو قولك ضرب زيد ضرب زيد فزيد هنا si on fait l'arabe مثلا ضرب on va dire quoi فعل ماض مبني على الفتحة مغير الصيغة tam مبني على الفتحة مغير الصيغة وزيد نعم وزيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. تمام؟ دونك on appelle pas ça. On a Zaidou, on appelle pas quoi? On appelle pas فاعل. Parce que c'est pas lui qui a fait l'action. Lakin c'est celui qui a subi l'action dont on ignore qui a fait l'action. Ou bien dont on connaît tellement c'est qui a fait l'action qu'on s'est permis de pas l'évoquer. ضرب زيدون. تمام؟ مثلا الأصل ضرب فلان زيدا. تمام؟ Donc ensuite on a voulu غير الصيغة pour un سبب من الأسباب. On a dit quoi? ضرب زيدون. Est-ce que c'est زيدون qui a fait l'action là? C'est lui qui a subi l'action d'une personne dont le fa'il n'a pas été évoqué. Tamam. Qala wa yudrabu zaydun kadhalika. Yudrabu zaydun, tu diras fi'lun mudari' marfu'. Li tajarrudihi min an-nasib wal jazim. Qu'est-ce qui l'a rendu marfu'? C'est qu'on n'a pas trouvé une chose qui va le rendre majzum ou bien une chose qui va le rendre quoi? Mansoub. Donc son hamil huna, c'est le fait qu'on n'a pas trouvé de choses qui vont le rendre quoi? Mansoub ou bien majzum. Donc yudrabu fi'lun mudari' مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وزيد نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره donc là كذلك زيد c'est quoi c'est اسم صريح تم كي ظاهر et là de مغير صيغة qui est quoi le فعل مضارع قال أكرم عمر نعم on a oublié cette صيغة تم أكرم يكرم le مغير صيغة c'est quoi يكرم تم أكرم tu diras pour le mardi mathalan ukrima tam ukrima j'avais oublié cette sigha là parmi la ozan du mardi qala wa ukrima n'am ukrima amrun kadhalika ukrima fi'l mardi mughayyir sigha wa mabni 'ala al-fatha wa amrun fi'l plutôt na'ib fa'il marfu' bil fi'l wa 'alamat raf'ihi ad-damma zahira fi akhirih kadhalika yukramu amr yukramu fi'l mudari' marfu' mughayyir sigha wa 'alamat raf'ihi ad-damma zahira fi akhirih وعمر نائب فاعل مرفوع بالفعل وعم ترفعه الضمة الظاهرة في آخره قال والمضمر نعم قال وهو اثنى عشر نحو قولك ضربت j'ai été frappé on m'a frappé est-ce que c'est moi qui a frappé là لكن on m'a frappé j'ai pas évoqué le فاعل pourquoi parce que peut-être il a peur de représailles parce qu'il ignore quelqu'un est venu il a frappé dans son dos il s'est retourné il n'a pas vu la personne ou c'est tellement ma'loum qu'il n'a pas évoqué parmi les asbab, mais les asbab qu'on a pu évoquer. Tam duribtu. Tam tu fais l'i'rab duribtu, tu diras fi'lun madi mabni 'ala sukun, fi'lun madi mughayyir sigha mabni 'ala sukun li'ittisalihi bi damir li'ittisalihi bil damir yani al mutaharrik. Wa damir al mutaharrik damir muttasil fi mahal raf' na'ib fa'il. Kadhalika duribna, la même chose. Wa duribta, duribna, on a été frappé. Doripta, tu as été frappé. Doripti, tu as été frappé en parlant d'une femme. Doribtuma, vous avez été frappé. Doribtum, les Arabes, c'est la même chose. Wa doribatun, vous avez, elles ont été frappées. Vous avez été frappé, en parlant des femmes. Doriba, là, si on fait les Arabes, doriba, on dira doriba fi'alun mardi mabni. Fi'alun mardi mughayyir sigha mabni ala al-fatha. Wa naib fa'il damir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Ay doriba huwa. Tam katalika, doribat. Doribat, tu diras fi'alun mardi mughayyir sigha mabni ala al-fatha. Wa ta ta ta'nisa sakina la mahala lahu min al-arab. Wa naib al-fa'il damir mustatir تقديره هي تمام دمير مستتر جوازا تقديره هي وضرب هنا تجرى فعل ماضي مبني على الفتحة مغير صيغة والالف دمير متصل في محل رفع في محل رفع نائب فاعل تمام ضرب كذلك لو هنا في محل رفع نائب فاعل ضربنا كذلك لنون النسوة في محل رفع نائب فاعل إلى أبلي كذلك Doribata en parlant à des femmes qui se sont fait frapper. Tam kazalika, parce qu'il n'a pas évoqué. Et il faut l'évoquer. Après Doriba, il y a Doribata. Donc, ça, c'est la khulasa de Naib al-Fa'il. De Naib Fa'il. C'est comme le Fa'il, sauf que ce n'est pas lui qui a fait l'action. C'était le Maf'oul dans le Mabni lil-Ma'loum qui est devenu quoi? Naib Fa'il. Donc, Inch'Allah, en espérant que ce cours-là, il a été compris, il a été. Inch'Allah, c'est simple. Tam. Et le Mubtada al-Khabar, on le prendra dans un prochain cours, Inch'Allah, parce que c'est un peu long. Et comme ça, ça vous permettra de pouvoir bien réviser. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur Naib Fa'il. Il y a des choses encore à dire, lakin, comme c'est un kitab de Mubtadi pour les débutants, donc là, le plus important, c'est de ramener et d'expliquer ce qu'a ramené le Mu'allif, rahimahullah ta'ala, et les autres choses, Inch'Allah, ça viendra dans d'autres kutub, Inch'Allah, s'il y a des questions par rapport au cours, Inch'Allah, sinon, on se contente de cela. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala أن يبارك فيكم ويحفظكم ويهيئ لكم الأمور للهجرة. Est-ce que les جوازم et نواصب rentrent dans le فعل المضارع مغير صيغة؟ نعم. نعم ça rentre dedans. مثلا si tu dis لم تكتب رسالة. تمام لم تكتب رسالة. لم هنا جازمة. تمام حرف نفي وقلب وجزم. Je vais dire quoi لم تكتب. نعم تكتب فعل مضارع مغير صيغة. مجزوم و j'avais dit quoi رسالة نائب فاعل et كذلك الناصب مثلا شو ما تقول لن يفلح من كذب بالله سبحانه وتعالى celui qui ment sur Allah سبحانه وتعالى jamais la réussite lui sera donnée donc là لن كذلك c'est un جازم تم qui est rentré dans un fait avec quoi مغير صيغة qui est تم لن يفلح من كذب بالله سبحانه وتعالى donc ça pour répondre à la question نعم tu peux trouver الجوازم Et Kazalika, un nawasib qui rentre dans le fer mudari' qui est quoi Mughayyir as-sigha. Inch'Allah, la réponse a été claire. Wa iyyakum jami'an. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum lima sami'ana. Wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin din. Wa hafizakum Allah. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين